cette maudite aiguille tourne encore. Casser son 4 ans ne changera pas la donne. Je me demande si mon âme s'étendra quand elle embrassera la mort. Je ne crois pas que mon attente est semblable à la vôtre. Troquer sa dignité pour de l'argent, c'est le fantasme à la mort. Nous avons tant de lacunes, cela me répugne de nous voir tous prisonniers des tentacules de la nébuleuse. Ça serait presque louche de ne plus la voir régner, tous pris dans le piège, on se débat comme des mouches dans une toile d'araignée. Je m'obstine à pagayer sur l'océan de larmes, ça les ça m'effraie. Si t'espérais bronzer dans le sable, fallait pas rêver. Bloqué devant la porte, on ne me proposera rien. Nous avons croqué dans la pomme, un peu trop tôt, je crois bien. J'ai marché vers les strates, vu des bons et des tarés, exécrables, des tasses, peux faire des crasses, exacerbées, j'ai le crâne. Plein de questions sans réponse et d'idées sombres. Après avoir été attiré dans le fond, j'ai fixé l'ombre. L'amertume en bouche, le ciel tombe. À force de marcher dans la boue, on se mêle plomb. Laissez-moi seul. Je vous en supplie, laissez-moi seul. L'amertume en bouche, le ciel tombe. À force de marcher dans la boue, on se mêle plomb. Laissez-moi seul. Je vous en supplie, laissez-moi seul. Ça me dépasse, on porte que la haine. Je fais les comptes entre le poids de mes actes et la hauteur de ma peine. Je marche au cœur de l'averse. Au creux de ma main, elle me rend des saillantes. J'ai trop peur de la paix. La vie n'accorde qu'un bas d'élan à peine. Nous avons les talons à vivre à force de marcher dans la brèche. Pris dans une confortable vie de galérien. En vrai j'ai tout et je me comporte comme si j'avais rien. C'est seul à devenir ce qu'on est point. On meurt dans l'avarice, mon rêve, y'a forcément un truc qui coince. Un bug dans la matrice. Entre la fosse et moi tout est prédit d'avance. Je vais pas faire semblant de pas vouloir goûter les fruits de la plante. J'en vois qui se mordent les doigts sous les débris, ça chante. Né sous une bonne étoile, je dois saisir ma chance. L'amertume en bouche, le ciel tombe. À force de marcher dans la boue, on se mêle plomb. Laissez-moi seul, je vous en supplie, laissez-moi seul. L'amertume en bouche, le ciel tombe. À force de marcher dans la boue, on se mêle plomb. Laissez-moi seul, je vous en supplie, laissez-moi seul.